s'aimait depuis 2 jours à peine. Y a parfois du bonheur dans la peine. Mais depuis qu'ils étaient amoureux, leur destin n'était plus malheureux. Ils vivaient avec un rêve étrange, et ce rêve était bleu comme les anges. Leur amour était un vrai printemps, oui, aussi pur que leur tendre vingt ans. C'est la romance de Paris, au coin des rues elle fleurit. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris, que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. La banlieue était leur vrai domaine. Ils partaient à la fin de la semaine dans les bois pour cueillir le muguet ou sur un bateau pour naviguer. Ils buvaient aussi dans les guinguettes le vin blanc qui fait tourner la tête. Et quand ils lui prenaient un baiser, oui, tous les couples en dansant se disaient. C'est la romance de Paris, au coin des rues elle fleurit. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris, que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. C'est la romance de Paris, au coin des rues elle fleurit. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce refrain de notre bourg parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de le monde en est épris, c'est la romance de Paris.